manquerai de rien tant que je le servirai pour pouvoir à mes besoins. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son amour, je ne me compromettrai pas. On habite le quoi mon kidi voyo. Eko le kanayango. Atana zangi le loyo. Nakoteka bonzambete. Na zangi mabota. Nakoteka bonzambete. Atana zangi li bala. Nakoteka bonzambete. Vanité des vanités, et poursuite du vent, tout est vanité sur la terre. Oye zala ki yango eko zala, peye zali ko salema. Eloko ya sika an wana mokili, ezalite. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Chose passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Attends, Nazangi Bozoui, Nakoteka Bonzambete, Nazangi Motuka, Nakoteka Bonzambete, Attends, Nazangi Bambongo, Nakoteka Bonzambete, Nakoteka Bonzambete. Tangamana Yesu, okozwa bomengo ya solo.